بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours aujourd'hui, le cours 86 d'un kitab قرة عيون الموحدين, qui est le sharh de kitab al-tawhid, expliqué par le petit-fils du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, et avec les commentaires du Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça ne va pas être long parce que yani, il ne reste pas beaucoup de temps avant la salat, mais on va profiter quand même un peu. Donc, on était en train d'expliquer le hadith. C'est ça. Le Cheikh, il explique, il dit wa qawluhu aw taqallada wataran fihi ma'a ma taqaddama min annahu shirkun lima kanu yaqsudunahu bi ta'liqihi 'ala ad-dawab wa ghayrihi. Donc toute personne qui, donc c'est ça, c'était le hadith de Rouaifi'a. C'était rapporté par Ahmad, le hadith de Rouaifi'a, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Rouaifi'a, il se peut que tu vives une longue vie. Alors, informe les gens que quiconque y fait des nœuds dans sa barbe, ou bien accroche une corde, ou bien yani se nettoie après avoir fait ses besoins avec des crottes d'animaux ou des ossements, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est innocent de lui. Il se désavoue de lui. Donc c'était ce hadith-là qu'on avait commencé à expliquer. Et là, on était en train d'expliquer le deuxième article dans les trois points qui ont été mentionnés dans le hadith. « Aw taqallada wataran », on l'a expliqué ce que ça signifiait. Hein, c'est la corde de l'arc que les gens utilisaient pour tirer à l'arc. Puis lorsqu'ils avaient terminé de l'utiliser, comme elle était devenue usée, quand ils la remplaçaient, ils prenaient l'ancienne et se l'attachaient au cou pour se protéger contre le mauvais œil ou des choses comme ça. Et donc ça, le cheikh, il explique que on a déjà expliqué que ça rentre dans le shirk. Hein? Et la raison pour laquelle ils l'accrochaient sur eux-mêmes ou bien sur leurs animaux ou sur leurs enfants, que c'était pour se protéger contre le mauvais œil et contre le mal. Et ça, on a expliqué que, comme le cheikh il le dit, que c'est du shirk. Il dit wa qawluhu aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bari'un minhu. Hada dalilun 'ala anna hadha walladhi qablahu min al-kaba'ir. لأن قوله فإن محمدا بريء منه يدل على ذلك وقول النووي رحمه الله أي بريء من فعله فهذا تأويل بعيد لعود الضمير إلى من وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة وكما لا يخفى ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وروى ابن خزيمة والدارقطني عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. Donc ici le cheikh il explique que il dit comme dans l'explication du hadith, ou bien celui qui se nettoie avec les excréments des animaux, les crottes d'animaux séchées, ou bien avec des ossements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors Mohammed est innocent de lui, se désavoue de lui. Et ça, c'est la preuve que ça fait partie des grands péchés de faire ça. Yani, Parce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue d'un acte ou d'une personne, ça c'est la preuve que cette caractéristique-là fait partie des grands péchés. Et An-Nawawi, rahimahullah, il dit lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de l'action, sauf que c'est une interprétation qui est assez éloignée dans son sens, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « man », c'est-à-dire « quiconque » ou « celui ». Et ça, c'est clair dans le fait que ça indique la personne qui fait ça et non pas l'action qui est faite. Et il y a également des interdictions de se nettoyer avec des crottes d'animaux ou des ossements dans des hadiths qui sont authentiques, et ça c'est connu, comme ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'il dit ne vous nettoyez pas avec des crottes d'animaux ni avec des ossements, parce que c'est la subsistance de vos frères parmi les djinns. Donc c'est les djinns qui mangent ça ou bien qui utilisent ça. Alors il y a également une autre narration de Ibn Khuzayma et Ad-Darqutni selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se nettoyer avec des ossements ou des crottes d'animaux, des excréments d'animaux. Et il a dit, cela ne purifie pas. Cela ne purifie pas. Et donc, quelqu'un qui utiliserait ce genre de choses pour se nettoyer après avoir fait ses besoins, eh bien, ça ne suffirait pas pour qu'il soit pur ou bien pour qu'il puisse être propre et pour pouvoir se purifier pour sa salat. Donc ça, c'est important de le comprendre. Après, Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ces différentes choses-là, quelques points, surtout à propos de l'explication de Al-Nawawi. Il dit « هذا تفسير بعيد والظاهر هو التفسير الأول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من الشخص نفسه وليس القصد التبرؤ من فعله من عقد لحيته فالضمير عائد إلى الشخص وليس إلى الفعل هذا الذي يجعل تأويل النووي بعيدا رحمه الله. Donc ici le cheikh il explique que la raison pour laquelle l'interprétation de l'imam al-Nawawi rahimahullah elle est loin dans son sens par rapport à la réalité, c'est que, en fait, quand on regarde le sens du hadith qui est apparent, il s'agit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de la personne qui le fait et non pas de l'acte. Hein? Puisqu'il dit « quiconque fait des nœuds dans sa barbe ». Donc, il ne parle pas de l'action elle-même, mais il parle clairement de la personne qui fait cet acte. Et le pronom, il retourne effectivement à la personne et non pas à l'action. Donc, de toute façon, une action ne peut pas se faire d'elle-même. Il faut qu'il y ait un sujet pour mettre en pratique cette action. Hein? Donc, bien entendu, même si l'acte était blâmé elle-même, ou c'est-à-dire même si le blâme était envoyé vers l'acte, eh bien, ça impliquerait la personne de toute façon. C'est pour ça que le cheikh dit que l'interprétation de Nawawi est un peu éloignée. Et ensuite, il explique que par rapport à la narration de l'imam muslim, rapportée selon Ibn Mas'ud, au sujet de se nettoyer avec l'interdiction de se nettoyer avec les ossements et les excréments d'animaux, le cheikh dit que ça, c'est un sujet qui est célèbre. Hein? Il dit mashhurun fi bab qada al haja min kutub al hadith wa kutub al fiqh annahu la yajuz al istijmar bi hatayn al maddatayn. Donc ça c'est célèbre et c'est connu cette question là dans les livres de fiqh, dans les livres de hadith, que il n'est pas permis de se nettoyer avec ces deux substances ou ces deux matières. Le point suivant par rapport au hadith que le cheikh a mentionné de Ibn Mas'ud, rapporté par l'imam muslim, du fait que c'est la subsistance de vos frères parmi les djinns. Le cheikh il dit الروث يكون زادا لدوابهم والعظام تكون زادا للمسلمين من الجن يجعل الله عليها اللحم فيأكلونه. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne les excréments, eh bien il dit c'est une subsistance pour leurs montures, hein, pour leurs animaux. Et en ce qui concerne les ossements, eh bien les ossements sont une nourriture pour les musulmans parmi les djinns. Il dit que lorsque les djinns prennent ces ossements-là, Allah Azza wa Jal, il met la viande, il met la chair sur ces os, sur ces ossements-là, puis il les mange. Naam. Donc ça fait partie des exemples de choses qui sont dans le ghaib, dans l'invisible. D'accord? Ensuite, le cheikh, il explique l'autre hadith qui mentionne le fait que ces deux matières-là, si on les utilise pour se nettoyer après avoir fait nos besoins, que ça ne purifie pas. Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُمَا لَا يُطَهِرَانِ فَمَنْ إِسْتَجْمَرَ بِهِمَا فَإِنَّ النَّجَاسَةَ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ خِلَافَ مَنْ إِسْتَجْمَرَ بِالْحَجَرِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَإِنَّهُ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما لا يطهران إنهما لا يطهران. Donc il dit le cheikh ici que la raison de l'interdiction d'utiliser ces deux substances ou ces deux matières pour se nettoyer après avoir fait nos besoins, c'est que ils ne purifient pas, et c'est ça la cause pourquoi on n'a pas le droit de les utiliser. Donc quiconque utilise donc ces choses là eh bien, ça veut dire que il va toujours rester avec de l'impureté sur lui. Hein? Contrairement à la personne qui s'est nettoyée avec une pierre, hein? Avec une roche ou une pierre ou autre chose parmi les choses permises. Eh bien, à ce moment-là, ça enlève complètement ou bien ça va retirer l'impureté. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces deux matières ou ces deux choses ne purifient pas, c'est-à-dire les ossements et les excréments d'animaux. Ensuite, en ce qui concerne l'explication de la narration suivante, et la narration suivante c'est celle qui est rapportée selon Saïd ibn Jubayr, dans laquelle il dit من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. Donc وكيع il rapporte selon Saïd ibn Jubayr que quiconque coupe une amulette d'une personne qu'une personne porte, eh bien c'est comme s'il avait émancipé un esclave. C'est comme s'il avait libéré un esclave. Donc, on va lire l'explication ici. Le cheikh, il mentionne, cheikh Al-Fawzan, donc il mentionne cette narration-là. Il dit premièrement, Saïd ibn Jubayr, radiyallahu anhu, min a'immat al-tabi'in, wa huwa min talamiz Abdillah ibn Mas'ud, قال من قطع تميمة من إنسان التميمة هي ما يعلق على الرقبة أو على غيرها من حروز أو حجب أو حجب يعني تعليق تعلق على المريض وكل هذا في نظر عبد الله بن مسعود وأصحابه يعني رضي الله عنهم أن هذا هو المحرم وهو الصحيح لعموم الحديث من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ووجه المشابهة أن من قطع تميمة من الإنسان أنقذه من الشرك واعتقه من الشرك والذي اعتق الرقبة من العبودية من العبودية أيضا له أجر عظيم وهذا وجه الشبه. Donc le cheikh il explique que Saïd ibn Jubayr, c'est un des imams parmi les tabi'in, les élèves des sahaba. Et il fait partie des élèves de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et il dit, ici c'est pas un hadith, donc c'est une parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, quiconque coupe une amulette d'une personne, c'est comme si, hein, il avait libéré un esclave. Et At-Tamima, c'est-à-dire l'amulette, c'est ce qui est accroché au cou ou bien à d'autres parties du corps des personnes qui le portent, comme les gris-gris et les amulettes, les talismans, les autres objets que les gens portent. C'est comme souvent une poche de cuir dans laquelle, à l'intérieur, ils ont écrit certaines choses, soi-disant comme protection contre le sihr ou contre le ayn ou contre une maladie quelconque, et ils accrochent ça à la personne, à son bras, à sa jambe, à son cou, à sa taille ou autre, hein. Et tout ça, hein, on l'accroche donc sur la personne ou sur une personne qui est malade. Et Abdullah ibn Mas'ud et ses compagnons, eux, ils considèrent tout ce que, bien entendu, ça c'est haram, comme on l'a expliqué déjà dans le chapitre précédent. Et non seulement ça, mais ça, c'est en plus, c'est la position qui est correcte, et on a expliqué la raison de ça, puisque le sens général du hadith, ça dit, hein, on a mentionné les mentions du hadith qui expliquent que celui qui accroche un talisman, c'est comme s'il est, c'est-à-dire il a fait du shirk, hein, faqad ashrak. Et ici, il mentionne donc cette parole où il dit, quiconque a coupé une amulette d'une personne, eh bien, c'est comme s'il avait libéré un esclave. Hein? Et le cheikh, il explique la raison pour laquelle il mentionne que c'est comme libérer. C'est quoi la ressemblance entre le fait de couper une amulette que quelqu'un porte et de le libérer, de libérer un esclave? Il dit, c'est que lorsque la personne, elle coupe cette amulette de cette personne, c'est comme si elle le libérait du shirk. Et donc, il l'a émancipé ou l'a libéré du shirk. Et donc, c'est comme celui qui est libéré donc de cette servitude, de l'esclavage. Et donc, ça, c'est bien entendu une immense récompense, hein. Donc, on sait la récompense qui existe dans l'islam pour quelqu'un qui a libéré une personne qui est esclave. Donc, celui qui libère une personne du shirk, c'est une récompense encore plus grande. Donc, on peut comprendre maintenant ici l'importance, hein, de ça. Et le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, quand il parle il cite ce hadith-là, et il explique, il dit, رواه وكيع وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب وفيه مع ما تقدم أنه شرك يعني وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه فلما اشتد غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي يعني ثقة إمام صاحب تصانيف ومنها الجامع وغيره وروى عنه الإمام أحمد وطبقته ومات سنة 97 ومئة. Donc, ici le cheikh il mentionne donc que cette narration de Saïd ibn Jubayr, quand il dit que quiconque a coupé de quelqu'un une amulette, c'est comme s'il l'avait, il avait libéré un esclave, c'est rapporté par Waqi'a. Et il dit, selon les ulama, ce genre de narration, c'est une narration qui a le même jugement que, ou le même verdict que, une parole qui est attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ce genre de propos ne peut pas être prononcé ou mentionné par ces gens-là comme étant une opinion. C'est pas des choses que quelqu'un mentionne selon son opinion et par conséquent, donc, il considère que ça, c'est quelque chose qui est tiré de la sunna, hein, tiré de la révélation, hein, qui vient, c'est-à-dire qu'ils ont entendu cette parole ou ces propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, parce que Saïd ibn Jubair, c'est un tabi'i, et donc, par conséquent, yani, on donnera le jugement ou on considérera cette parole comme étant mursal. Hein, mursal, c'est-à-dire une parole d'un tabi'i, hein, on l'appelle mursal, parce que on connaît pas le compagnon qui lui a transmis. On connaît pas le compagnon qui lui a transmis cette parole ou qui lui aurait transmis cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, le cheikh, il explique, premièrement, يعني يساوي عتق رقبة لأن هذا إنقاذ من الرق يعني من الرق بالعتق بالعتق وهذا إنفاذ من الشرك بالتوحيد إنقاذ من الشرك بالتوحيد. Donc c'est ça la ressemblance entre le fait de libérer un esclave et de sauver quelqu'un du shirk. Eh bien, parce que c'est comme si tu l'avais libéré du shirk, donc tu l'as sauvé par le tawhid. Dans ce sens-là, yani, il y a une ressemblance entre les deux. Et quand il dit, وَقَوْلُهُ كَانَ كَعَدْلِ عِتْقِ رَقَبَةِ وَهَذَا لَا يَقُولُهُ إِنسَانٌ بِاجْتِهَادٍ وَإِنَّمَا هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَصٍ مِنَ الشَّارِعِ. Donc ça, c'est pas une parole que quelqu'un dit de son propre opinion par ijtihad, mais c'est une parole qui est, yani, tirée d'une référence à la révélation. Et yani, donc, il dit ça veut dire dans ce cas-là que l'interdiction, elle est claire dans l'interdiction des amulettes, hein, et l'incitation de couper toute forme d'amulette. Yani, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, yani, pourquoi? Parce qu'on a expliqué que ça fait partie du shirk. Et le cheikh explique que les salafs, hein, ils considéraient toute forme de shirk comme étant extrêmement dangereuse et grave, que ce soit des formes de shirk qui sont petites ou grandes, que ce soit peu ou beaucoup. Hein, et il l'interdisait dans tous les cas. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, sur ça, il dit, وَمَا كَانُوا يَتَسَهَلُونَ بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ بَلْ كَانُوا يُبَادِرُونَ بِإِنْكَارِهِ وَالنَّهِي عَنْهُ فَهَذَا تَعْرِفٌ بِمَنْهَجِ السَّلَفِ. Donc il dit que les salafs, ils ne prenaient pas le shirk à la légère, même le shirk mineur. Au contraire, depuis qu'il y avait une forme de shirk quelconque qui se manifestait, eh bien, il se précipitait pour condamner, hein, cette forme de shirk et pour l'interdire. Et ça, c'est donc une définition de la méthodologie des salafs, radiyallahu anhum. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit que, donc, il est donc obligatoire d'interdire le fait d'accrocher des amulettes et il est obligatoire également d'inciter à les couper et que cela est obligatoire. Que cela est obligatoire. Et il y a tout ça a été mentionné précédemment dans le fait que, wa alaykoum salam wa rahmatullah, dans le fait que cela fait partie du shirk. Il dit, lorsque les musulmans ont commencé à s'éloigner de l'islam, dans les derniers temps de la Ummah, et que l'islam a commencé à devenir une chose de plus en plus étrange, eh bien, les gens qui commençaient à condamner ce genre de pratique, sont considérés comme étant des gens qui font quelque chose de mauvais. Comme si d'interdire le shirk, c'était un mal. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique à ce sujet-là, il dit, صاروا ينكرون على من ينكر هذه الأمور ويقولون هذا من الخوارج وهذا حنبلي ومتشدد إلى غير ذلك من الألقاب لأن عندهم الإسلام هو ما عليه عباد القبور والصوفية هذا هو الدين عندهم ومن أنكره فإنه يكون منكرا للإسلام يعني تغيرت الأمور فصار المعروف منكرا Donc le cheikh il explique, il dit que donc par la suite qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les gens qui interdisent le shirk et les talismans et les amulettes et toutes ces choses-là qui font partie du shirk, eux ils disent ça c'est des khawarij hein, qui interdisent ça. Alors qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir, puisque les khawarij, ils font le takfir pour des péchés. Alors que là, on ne parle pas des péchés, on parle de quelque chose qui est shirk, hein, qui annule l'islam d'une personne. Donc les khawarij, hein, ce n'est pas les khawarij qui font le takfir pour qu'est-ce qui est shirk, hein, réellement, un shirk majeur. Et ils font le takfir pour des gens qui commettent des péchés, des choses qui ne sont pas shirk. Et ils disent c'est des hanabila ou des hanbali. Hanbali, comme si c'est devenu un signe d'extrémisme d'être. D'appartenir au madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Alors qu'on sait très bien que tous les imams sont sur le même manhaj dans ces questions-là. Et qu'ils ont tous condamné le shirk. Allah al-Musta'an. Mais c'est une manière d'essayer de faire fuir les gens de la vérité. Comme aujourd'hui, quand ils traitent les gens de la sunna et les gens qui appellent au tawhid, ils les appellent des wahhabiyyah. Donc c'est toujours la même technique. Ou bien ils vont dire aujourd'hui des madakhila, ou des jamiya. Hein? Ils disent ça c'est salafiyatul madkhaliya. Donc toujours les mêmes techniques, les mêmes ambiguïtés, les mêmes méthodes, hein? Les mêmes ruses. Nasallallahu al-afiyah. Donc, en réalité, pourquoi ils disent ça? C'est parce que pour eux, le vrai islam, c'est l'islam de ceux qui adorent les tombes et le soufisme. C'est ça la religion pour eux. Et donc si toi tu condamnes ça, alors ça veut dire que pour eux tu es en train de condamner l'islam. Ça veut dire que en réalité pour ces gens-là, le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, on expliquera la suite de ça au prochain cours bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a presque fini le chapitre. Il nous reste juste une page et deux pages, puis après c'est fini. Donc on terminera au prochain cours, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.